Qu'est-ce qui se passe? T'es des boss, tu veux me clasher, mais moi je t'entends, si c'est moi qui boxe. Oublie pas, t'es sur mon ring, boss. Oublie pas, t'es sur mon ring, boss. Monte sur mon ring, j'suis un king, j'fais mon futur et j'te pète aux dons, j'te désonge, j'te démonte, j'te défonce, c'est mort violemment, t'en as pas du coup, t'es dans, dès la deuxième mesure, j't'ai mis un KO sur le carreau. A chasser dans le thorax, à la puissance max, j't'ai fait saigner comme un porc, tu t'attaques à un terminator, entre moi et toi, rien à voir, c'est bien moi le plus fort. Ce qui est fort chez toi, c'est ton haleine, ta tête de rat dans mon viseur de M4, j'te roule dessus avec mon 4-4-4, ça passe tranquille avec moi, un arrache tu te coupe en deux. J'marche sur du racel, copie caline, t'es bien trop caline, arrête de faire la maline, en face de moi, tu me suces la pine. Je mets un coup de crosse, alors c'est qui le molosse? Écoute bien gosse, je veux plus affaire à toi ou alors là je te rosse. J'espère qu'il est pas trop tard pour crever un gros bâtard comme toi. Dédicace à Nasri 59.